Une dieuse amnésique, les fêtes de Noël et beaucoup d'actions. Cette semaine, on a maté Au revoir à jamais et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bienvenue dans 2 heures de perdu, cette semaine consacrée à Au revoir à jamais, alias en version originale Long Kiss Goodnight. Film réalisé par René Harlin, sorti en 1996 aux États-Unis avec Gina Davis, Samuel L. Jackson. À mes côtés ce soir pour en parler, Mickaël. Mickaël, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Barbara, comment ça va, Barbara? Ça va. Et Grégory. Greg est tout en joie. Ouais, tout en joie. Non, mais film, ça... Oui, mais ça va, tu vois. Ça va? Donc, Au revoir à jamais, gros film d'action des années 90. Mmh. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Comment tu l'as vu, Greg? Je l'ai regardé en deux fois, mais c'était pas, en fait... Tu regardes tous les films en deux fois? Ouais, j'ai vu un film entier, d'un coup. Non, c'est que j'ai du mal, en fait, je vous avoue que j'ai du mal. Greg est narcoleptique, il s'endort au bout de 30 minutes. Non, je l'ai vu en deux fois. C'était pas si difficile, parce que c'est vraiment le film américain du dimanche soir. Quoi, il est détente. Ah, il est détente. Je n'ai pas du tout le même avis que toi. D'accord. Je trouvais ce film très difficile à regarder. Ah bon? J'ai quand même regardé 3 fois quelle heure il était pour voir dans combien de temps ça allait se finir. Non, je suis surpris, moi. Je l'ai regardé un petit peu à l'accéléré quand même, des fois, de temps en temps. Tu triches. C'était pas plus mal. Allongé. Moi, j'ai regardé Pendu par les pieds. tu l'as vu comment, Mickaël? Ah bah moi, je l'ai vu lors de sa diffusion sur la chaîne D17. Je savais même pas que j'avais cette chaîne sur la télévision. Je savais même pas qu'elle existait, moi, donc. Tu sais, c'est la chaîne, quand tu zappes en journée, ils passent des zaps chats et d'enfants. Tu sais. Ils passent des films, visiblement, le soir aussi. Et toi, Antoine, c'était un film que t'avais vu quand t'étais petit? Non, j'avais pas vu ce film. On l'a choisi avec Mickaël parce qu'il passait sur D17. Bonne référence. Donc du coup, toi, Mickaël, tu l'as vu en VF? Ah, je l'ai vu en VF. Tu l'as vu en VF. C'était savoureux. Barbara aussi, non? Moi aussi, oui. Une bonne VF? Ah, une excellente. Oh là là. Elles sont bonnes généralement, les VF, hein, les années 90. Bah, ouais. Il y avait du monde, et c'était bien fait, il y avait du pognon, c'était pas mal, non? Ouais. Moi, je l'ai vu en VO. Greg aussi, non? Moi, je l'ai vu en VO. Ah bah, les films d'auteur, faut les voir en VO. Alors, faut vraiment voir les sentiments des acteurs. Hein. Donc, on peut mettre la bande-annonce. On peut mettre la bande-annonce pour voir à peu près ce que ça donne. Ça résume déjà une grosse partie du film, hein, la bande-annonce. Ouais, c'est bien, au moins on n'a pas trop besoin de faire le résumé alors. Allez. Salut les filles. Que se passerait-il si vous ne vous souveniez plus de votre véritable nom, de votre premier baiser, de vos derniers adieux? Je me rappelle plus. Et si tout à coup... Oh mais j'ai déjà fait ça. Je suis chef. Sans prévenir. De votre chose, vite. Du céleri. Des oignons. Tout votre passé. Je m'appelle Charlie. Je suis de retour. Vous revenez en mémoire. Ce monsieur va m'aider à trouver des réponses. Tout ira bien, tu verras. Votre vrai nom est Charlene Elizabeth Baltimore. Ça y est, les problèmes commencent. Vous tuez pour le compte du gouvernement américain. Nous avons 24 heures pour la trouver et la tuer. Fais chaud le grand. Donc, alors attends, tout de suite, ça cartonne. Hein. Déjà, on sent que ça va cartonner. Hein. C'est un film d'action, quoi. Moi, tout de suite, je trouve que cette bande-annonce, elle soulève une question, c'est qui a du céleri dans son frigo? Ouais, c'est très visuel, mais à un moment, voilà, le mari sort plein de légumes. On va revenir sur cette scène plus tard. Il y a beaucoup de légumes dans ce frigo. D'ailleurs, il ne nomme pas les bons légumes, hein, parce qu'il envoie des poireaux à ce moment-là. Qui peut résumer le film après cette bande-annonce, qui est quand même très explicite? Barbara? Ouais, Barbara, je pense que c'est la bonne personne. Elle a l'air d'avoir apprécié le film en plus, donc ça fait plaisir. Alors, c'est une mère de famille, bien sous tout rapport, avec des beaux pulls de Noël. Un beau sapin de Noël qui clignote, qui est amnésique depuis 8 ans et qui se rend compte un jour, donc en coupant des carottes qui ressemblent à des poivrons, Quel est tes chefs? Parce qu'elle coupe très très vite les carottes et bah, il s'avère qu'au fur et à mesure, elle n'est pas chef du tout. Elle est tueuse en série, c'est ça? Elle est tueuse professionnelle pour le compte du gouvernement américain. Et elle part à la recherche de son passé, de ses origines. Il y a plein de gens qui vont essayer de la tuer. Exactement. On va revenir sur qui, parce que moi, j'ai pas bien compris. Tout le monde veut la tuer. Donc, le générique s'ouvre... Enfin, le film s'ouvre sur un générique... Très années 90, avec des effets de flou. Et le film s'ouvre vraiment sur la Christmas Parade. Le début du film, c'est la présentation du personnage. C'est la famille américaine parfaite. Ils sont très heureux, ils ont des enfants. Elle explique sa maladie, qui est la... j'ai noté le nom, Focal Retrograde Amnesia. Comment tu dis le premier mot, c'est Focal. Alors en écoutant, en voyant le film, j'étais persuadé que ça n'existait pas et ça existe. Je suis très déçu. Ah, dommage. On se rend compte aussi très vite que c'est exactement le scénario de 13, la BD, pour ceux qui l'ont lu. C'est exactement ça. Parce qu'elle a une petite clé autour du poignet. Ah oui, c'est vrai. Qu'il faut absolument qu'elle récupère. On va pas vraiment revenir dessus dans le film d'ailleurs. Mais on la voit pas ouvrir le coffre quoi. Il y a pas. Elle va la chercher, la clé. C'est un prétexte. Moi, je trouve que le début fait très téléfilm M6. Non. Oui, commence pas. T'as toute l'esthétique des années des films des années 90. Franchement, c'est bien filmé. Non, mais je pense que c'est Noël. Dès qu'il y a Noël dans un film, c'est tout de suite téléfilm. Ouais, c'est vrai. Il y a ça. Sauf sur les Gremlins, qui est quand même un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Moi, j'ai pas trouvé ça horrible. Hein. Elle dit, je sais pas le terme qu'elle utilise en français. Mais en fait, je me demande si à force de... Non, mais je parlais pas du tout de ça et du coup... Vas-y. Tu me donnes la parole, c'est gentil. Je te donne la parole, Michael. Très bien, c'est gentil. Barbara, vas-y. Non, je vais parler tout de suite parce que je suis pressé, j'ai un squash. En fait, je sais plus du tout ce que je voulais dire. Parfait. Bon, bah, je vais reprendre la parole à ça parce qu'on l'a pas encore donné. Non, bah, je... Non, en fait, je trouve pas que ça soit ni un bon film ni un mauvais film. C'est le film, tu vois, encore une fois, c'est le film du dimanche soir qui se laisse regarder. Tu peux pas le trouver mauvais parce que tu sais exactement à quoi t'attendre, tu sais ce qui va se passer, tu sais qu'il va y avoir de la cassette, des gens qui courent devant des explosions. Bon bah ça arrive, t'es pas étonné. Moi je me suis pas fait chier, c'est pas bon, c'est pas un film qui va te marquer. Après, c'est pas. Enfin, tu sais, tu t'attends pas à grand chose non plus avec ce film, donc t'es pas déçu, quoi. Tu sais ce que tu vas voir. Une merde. Moi, je me demande si, à force de voir des films moyens pour les besoins de cette émission, si on se familiarise pas un peu avec la médiocrité, du coup, je... Absolument pas. D'accord. Non, mais j'ai trouvé ça pas si mal. Mais disons que je me suis... Ma tolérance augmente. Non, moi, étant fan des années 90 et de ce qui a été produit comme film d'action, j'ai trouvé ça... hyper mauvais sur plein de choses, mais je me suis pas embêté, quoi. Ah non, on s'embête pas. Donc au début du film, on la présente, voilà, elle est amnésique, elle a des cicatrices, elle connaît pas son passé, elle fait la parade de Noël, c'est la star de la parade de Noël d'ailleurs, oui, parce qu'elle va passer à la télé. C'est la femme du Père Noël. Oui. Quand même. Elle explique en voix off dans le début son histoire. Elle dit bon bah je me souviens pas trop de mon passé. Et je suis avec mon mari, c'est un funny guy, quoi. Tu vois, j'en sens plus. Genre, il est un peu un nulos. Et donc ensuite, on a l'introduction du personnage de Samuel Jackson. Moi, je vais venir, je le dis tout de suite, j'ai adoré Samuel Jackson dans ce film. Je le trouve très drôle. Ah non, mais après en VF, je sais pas ce qu'a fait son doubleur, mais en VO, il est super drôle. Son rôle, il est bien écrit et je le trouve vraiment, il est bien, quoi. Oui. Il est bien. Bon, la VF le met pas forcément en valeur, je pense. Non, hein, pas mais... du tout. Ouais, il fait le rôle qu'il fait tout le temps, quoi. Le mec alcoolo. Ah ouais, ouais, c'est toujours le cliché du fils. Ouais, fiston, ta mère, elle veut plus qu'on se voit, mais machin. Ouais, ouais. Et alors, bon, pour avancer relativement aussi sur le début, elle fait la parade de Noël. Il y a la grande fête à la maison et elle ramène, on ne sait pas qui c'est, son oncle, son grand-père. C'est son père. T'as bien noté. Ah, ouais, surtout qu'en VF, il doit être bien mal prononcé, quoi. Earl. Il s'appelle Gérard, oui. En VF. Père amené Gigi. C'est Earl qui fait des grosses blagues dégueu dans la voiture. Parce qu'il est bourré. Voilà. Et donc, c'est l'accident. Non, il dit qu'il n'est pas bourré, justement. Mais oui, c'est quand il met son doigt dans le trou. Et donc, c'est l'accident. On va percuter un cerf. Une belle peluche de cerf, d'ailleurs. Non, c'est pas une peluche, il est automatisé. Quand il est sur le pare-brise, il y a ses pattes qui bougent comme ça, toute droite. Ah ouais, c'est un animatronique. Moi, j'ai éclaté de rire à ce moment-là, j'ai trouvé ça assez... Alors, cette scène, elle est assez révélatrice parce que le cerf traverse le pare-brise, quand même. Ensuite, ils prennent un arbre, donc la meuf, elle sort du pare-brise, elle tombe 600 mètres plus bas, et elle a rien. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un film de surhomme. Ça annonce la couleur, on sent qu'elle a de la résistance, et déjà, elle est attirée par le sang, elle va tuer la mec. Là, franchement, c'est pas si tu suis le plot, mec, c'est une tueuse, quoi. En fait, tous les personnages sont des surhommes dans ce film, parce que c'est un gros film américain, sauf le cyclope bon, qui succombe à la tarte, on en parlera un peu plus tard. Je crois qu'on avance trop vite, parce que ça, c'est un truc que j'aimerais revenir dessus. Donc là, pour introduire le personnage de Gina Davis, donc belle-mère de famille, elle a décidé de se venger du cerf qui est mourant dans la neige. Mais en fait, mais non, elle est-ce qu'elle fait ses souffrances. Non, mais attends. Il y a quand même sa voiture qui est en train de brûler en haut. Il y a Earl dedans. Mais d'ailleurs, Earl il meurt et on n'en parle pas du tout après. Quoi, genre tout le monde. Bah moi j'ai beaucoup pleuré. Tout le monde s'en tape. Non mais ça c'est vrai, je suis pas. Mais surtout, le Earl il est dans la caisse en train de brûler vif. Elle va marcher pieds nus pour aller tuer le cerf. Non mais elle va pas bien quoi. Elle va pas bien, je la défends, je suis comme ça, je la défends. Et quand elle le tue, ce qu'il faut dire quand même aux auditeurs, voilà, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce choc, enfin cet accident, va lui faire remonter certains réflexes de tueuse en fait. Ouais, c'est voilà, c'est là, le moment voilà, où elle commence que, à. C'est plus que des réflexes, elle lui fait hein, la prise du torticolis. Mec sur un cerf. Elle était catcheuse aussi. C'est chaud quoi. Alors moi j'ai une mexicaine qu'elle lui fait. Non mais brise le cou quoi. Ouais mais. Excusez-moi, j'ai un oncle chasseur, il chasse comme ça, il fait pareil avec les sangliers. Et là déjà il y a première. Alors, premier effet musical, la musique très importante, c'est Alan Silvestri. C'est celui qui a fait très très grande bande originale, notamment Retour vers le futur, donc on ne critique pas la musique dans ce film. Mais au moment où elle tue le cerf, donc on entend parce qu'elle lui tord le cou, et après on entend tin-tin-tin. Je sais pas si vous avez noté, mais moi je l'ai vraiment entendu le tin-tin-tin qui m'a fait assez rire. Juste après cette scène, donc là voilà, elle est perturbée, il y a ces réflexes de tueuse qui ressortent, et elle va s'en rendre compte sur un établi quoi, en coupant des légumes. On travaille, en coupant des carottes. Elle rêve avant. Ah oui, elle fait un rêve. Ouais. De son spectre, de Charlie. Elle s'est bien fait ça. Moi j'ai bien aimé ça. Les effets spéciaux. J'ai juste écrit film. 9-0 pour années 90 quoi. Ah bah non mais les effets spéciaux dans ce film sont quand même assez hallucinants. Moi je trouve que les explosions sont bien. Après tout ce qui est artistique c'est un peu raté, je suis d'accord. Les explosions ils avaient mis la dose. Hein. Plus il y a d'explosions plus c'est bien quoi. Mais là il y en a un paquet. Bah, c'était un peu le critère du film américain des années 90. Ouais, il en fallait. Quoi. C'était l'explosion. Donc la cuisine qui explique ce qui se passe. En fait elle est en train de cuisiner. Ouais. C'est Michael qui parle. Ah oui. Là, je suis là. Et elle découpe des carottes et en fait elle en découpe. Alors, elle les découpe très lentement en fait au début. Oui, elle a vraiment un traumatisme de la carotte. Quoi. Elle va vraiment hyper lentement quoi. Son copain qui est un homme très drôle lui fait remarquer en lui disant tu penses que mercredi on va pouvoir manger ou quelque chose comme ça. Et du coup, elle commence à s'exciter et elle coupe les carottes très très très très très rapidement. Donc elle se dit putain merde, en fait j'ai été chef. Avant c'est ça, c'est le premier réflexe. J'ai été chef de cuisine. Sauf qu'à un moment donné, elle va lancer une tomate dans les airs et elle lance le couteau, elle plante la tomate sur le meuble et là, elle se dit ah non, j'étais peut-être pas chef. Elle se dit, je sais pas si elle se dit à ce moment-là. C'est ce que font justement, ça, c'est des petites touches d'humour américain. Et là, il y a aussi, elle commence à couper une carotte et là, elle fait, donnez-moi vite des légumes. Et là, il vide le frigo. Tiens, du céleri, des poivrons et il les jette en l'air. Ça a aucun sens. Des oignons. Et en fait, tu vois que des poivrons et des aubergines. Surtout, elle coupe comme une coffe, il y a rien d'extraordinaire. Et son mec il flippe pas du tout, genre tu sais elle est à moitié des glingos et tout. Et genre il commence à couper à donf et fait chérie va doucement quand même tu pourras te faire mal et lui il est trop content il balance le céleri. Mais oui non parce que 15 secondes avant elle se coupe quand même. Ouais. Je pense que c'est dans vrai. La réalité son mari aurait tendance à dire t'es différente depuis la mort de Earl. Tu fais des soupes super rapidement depuis qu'il est mort. Et donc la scène d'après, il n'y a pas grand chose, mais elle fait, voilà, elle a la patinoire avec sa fille. Et là, pour bien faire comprendre que, oulala, son tempérament de tueuse fait reprendre le dessus, sa fille, elle tombe, elle se pète le poignet. Se fracture. Elle se fracture parce qu'elle va avoir un plat jusqu'à la fin du film. Ouais. Ah, j'avais pas tilté ça. Si, elle a un plat jusqu'à la fin du film. Ouais. Et genre, d'un seul coup, elle passe de chute à mer normale à, ouais, la vie, c'est la peine. Ça fait mal. La vie, ça fait mal. Dans la VF, c'est la vie, ça fait mal. Faut que tu t'y fasses. Je l'avais noté. Hein, C'est pas vraiment un truc que je dirais à mes gosses. Mais... Ouais, mais t'es pas tueur non plus. Hein, c'est pour... enfin. Et là ensuite, il y a un. Pour moi, c'est un problème dans ce film. Il y a la parade. de Noël était diffusé à la télé. Ouais, ouais, et il y a un mec en prison. Enfin, il est en prison, c'est ce que je pense, parce qu'il habille orange tout seul devant une télé comme toi, qui est dans un grillage. Et le plan d'après, il est dehors. Mais voilà. Moi, j'adore synchroniser avec sa sortie de prison, quoi. Alors, pour bien montrer que le gars, il est ultra vénère, tu sais, il va sauter sur la télé, il va essayer d'arracher la grille. Il a vu la nana. Et il est, en plus, tu sais, il est vraiment en qualité de haute sécurité, tu sais, il est tout seul, il y a des grilles de partout, c'est et c'est vrai qu'il sort, et on sait pas comment. Mais en tout cas, il est ultra vénère. Mais non, c'était fini, sa peine était finie. Tous les samedis, il peut sortir. Il a demandé une permission, il lui a dit « Oui, tu as l'air calme. » Bah Jérôme, moi je pense qu'il est bon. Non, non, il va bien. Il s'est un peu énervé sur la télé l'autre jour. Ouais, mais c'est pas grave. Il a arraché la grille avec les dents, ouais, mais bon. Et donc, comme on s'en doute, le One Eye Jack, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle en anglais. Il a un œil. Il est ultra vénère. Moi j'aime beaucoup cette scène en fait. Parce qu'il est tellement vénère qu'il prend sa bagnole et bon il arrive et là il a un gun qui je sais pas d'où il sort mais il a un pistolet qui sort de l'espace, je pense qu'ils l'ont pris de Terminator 2 qui venait de finir de tourner genre il a un pistolet énorme. Ils échangeaient les stories, il rentre dans le machin, il est ultra vénère, il veut tout défoncer, il tire, il tape tout, il y a la môme qui est là et bon elle commence à reprendre son instinct tueuse. Il fait un trou dans le mur, il fait un trou dans le mur. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué quand il tire sur le frigo, c'est un frigo par balle, je l'ai noté. Par contre il y a je sais pas, il fait un trou dans le mur de la maison et elle, pour pas que sa fille soit blessée, elle l'attrape par le col et elle l'envoie dans la cabane. Elle la fait passer dans la maison d'à côté en fait par le trou. C'est-à-dire qu'elle a potentiellement 10 fois plus de chances de se recasser le poignet une deuxième fois. Exactement. Et moi ce qui m'a bien fait marrer, c'est que le gars est survénère quoi, il est vraiment vraiment vraiment dangereux quoi. Ouais. Et y a une scène qui me fait penser à Maman j'ai raté l'avion, c'est quand il glisse sur les petites trucs, tu sais. On dirait les deux trucs en plus, ambiance Noël et tout, j'ai l'impression que c'est exactement pareil. Je pense qu'ils ont pris la même scène d'ailleurs. Je pense qu'il va falloir faire un petit résumé en fait de cette... Bon c'est difficile de résumer cette action, mais grosso modo, donc elle se débarrasse de sa fille pour pas qu'elle soit blessée. Et le tueur arrive dans la cuisine, donc il tire une première fois sur le frigo qui du coup est un frigo pare-balles. Qui est un frigo pare-balles. Et en fait, il s'agrippe donc avec l'héroïne et on s'attend tous à ce qu'elle prenne un couteau, qu'elle se défende avec quoi que ce soit. Et en fait, la seule chose qu'elle a sous la main, c'est une tarte au citron meringuée. elle est bien meringuée. Juste avant, elle est très belle cette tarte. Ah ouais. Moi j'étais déçu. Hein. Elle s'est pas coupée des carottes, mais par contre elle fait super bien les temps. Juste avant, elle se prend un espèce de méga pot en porcelaine dans la tronche qui ne casse pas et qui ne lui fait rien. Ouais. Alors par contre, donc du coup, elle prend cette tarte au citron. Alex, hein, pour le pot. Elle prend cette tarte au citron et elle entarte le cyclope qui meurt instantanément. Le mec meurt étouffé dans la meringue. Le cyclope craint la meringue. Hein, c'est bien connu. Alors je suis désolé, hein, je vais reparler de mon oncle chasseur. Et depuis qu'il a vu ce film, il chasse à la tarte au citron en meringuée. Il se planque dans les forêts, il attend son lit et il saute dessus. Quoi. Mais je crois que c'est interdit, ils vont bientôt faire une loi parce que c'est vraiment injuste. Le rapport de force, j'ai un torero qui faisait comme donc ça. Donc à la suite de ça, le film vraiment ne s'attarde pas. Il va très très vite. Elle part direct sur les traces de son passé. Oui, mais écoute, vivre quelque chose de traumatisant, maman part. Elle a quand même, elle lui a fait le coup du cerf hein, aussi au cyclope. Ah oui, elle l'achève. Elle lui casse le cou. Ah oui, devant son mari, elle lui fait les chefs font ça. Oui, ça y est. Oui, petite blague. C'est le running gag du film d'ailleurs. Donc là, elle part sur les traces de son passé avec Samuel Jackson, donc son mauvais détective privé. Mmh. Qui est très sympa. Hein. Et là, elle retrouve, c'est à ce moment-là qu'il lui redonne les traces de son passé, un bagage et des lettres. Et donc elle prend la lettre où elle fait Charlie, c'était mon nom, alors que justement le cyclope vient essayer de la tuer en disant « Ah Charlie, t'es là !» Elle n'a pas encore titré. Donc Charlie, c'était mon nom. Oui, d'accord. Si jamais on n'avait pas bien Elle a dû dire, il a qu'un œil, peut-être qu'il s'est trompé. Elle n'a pas tout lu. Ils arrivent dans un hôtel un peu miteux, c'est vraiment un motel américain. Ouais. Et là, premier contact... Il y a toujours un par film. Premier contact avec une arme, puisqu'en ouvrant sa valise, elle découvre un double fond et un sniper. Ouais. Là ma question c'est comment elle a pas pu se rendre compte que sa valise à vide faisait 40 kilos quoi. Surtout qu'en plus du sniper elle a l'intégrale de Victor Hugo en Pléiade. Mais surtout ça fait combien de temps qu'elle a cette valise et pourquoi personne ne le... Enfin... Mais non mais c'est Samuel qui lui rapporte la valise. Ah c'est une valise qu'il a... Ah autant pour moi, je retire ce commentaire. C'est ce qu'ils ont trouvé dans son ancien appartement. Voilà. Je serais pas toujours là. C'est Barbara qui était là. Toi. Et donc le rendez-vous est donné à la gare. À la gare. Non, voilà. Elle, oui, elle appelle. Alors en fait, oui, elle appelle. Ouais. C'est qui d'ailleurs ce mec? C'est son mentor, son ancien mentor. Celui qui l'avait formé. Ouais. Voilà, d'accord. Et le mec lui dit, je peux pas trop parler. Mais c'est tellement nul. Et en fait, c'est le rendez-vous demain. Voilà, c'est le rendez-vous le plus rapide. C'est-à-dire qu'il la localise à peu près. T'es en Pennsylvanie, on va se donner rendez-vous dans telle ville, à telle heure, à la gare. À la gare de Westmansburg. La gare est immense. Et ça, c'est tellement film américain. Bon, je ne peux rien te dire. Tu es en danger, tu vas mourir. On se voit demain. Non, mais c'est surtout, je pense que la personne qui écoute pourra se rendre aussi à la gare de Pittsburgh. À la limite, on va se voir tous les trois, quoi. C'est plus simple. Et donc, rencontre à la gare, au bar, premier contact avec le méchant du film. Ouais. Quelqu'un a un commentaire à faire sur le méchant. Alors moi je trouve qu'il a une tête de bisounours. Ah, il est trop beau quoi. Alors attendez. Moi je voudrais juste féliciter Greg pour ton rôle dans ce film. Je trouve que tu lui ressembles. C'est vrai. Juste dans la cruauté. Il est cruel. Hein. Il est vraiment cruel dans le film. Ah oui, attention. Ah là là, il torture. Il est con. Il est vraiment con quoi. Parce qu'il arrive jamais à la tuer quand même. Ouais, ça c'est vrai qu'il est cruel, mais il est pas doué. Ça, c'est pas clair dans tout le film. On sait pas à quel moment ils veulent la tuer et à quel moment l'enlever. Vraiment, il y a des fois ils ont l'opportunité de la tuer, ils l'enlèvent. Il y a des fois ils ont l'opportunité de la tuer, de l'enlever, ils la tuent. Mais ils la tuent pas. Mais ils essayent de la tuer. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est. Donc là, dans la gare, petite rencontre avec le méchant. Pour l'instant, on sait toujours pas qui c'est, ni la relation qu'il a avec elle. Moi je vais pas vraiment comprendre, c'est-à-dire même à la fin du film j'ai toujours pas compris. Ouais, parce que en fait c'est fatigant d'essayer de comprendre, mais bon on a compris le principe, on sait pas à qui elle peut se fier, elle va chercher un gars, l'autre c'est lui, c'est pas lui, bon voilà, oui, ça voilà. Tourne en rond, ça dure un peu longtemps. Et, okay, une fusillade voilà. Donc là il y a une fusillade, donc il y a un premier mec qui essaye de la tuer discrètement avec un flingue sous un journal et un silencieux, ça échoue, du coup il y a 45 mecs avec des usis et des grenades qui débarquent. Ça fait très film d'Al Capone je trouve, avec le fusil. Ouais, mais c'est vraiment un hommage très court, hein, parce qu'après c'est un hommage à Rambo quoi. Parce que... C'est vrai. Et surtout, on est dans une gare avec des civils. Mais oui. Il y a une grenade qui est lancée par terre. Mais oui. Les casualties, ils n'en ont rien à foutre. Mais pendant tout le long du film, ça cartonne, mais à gogo, elle cartonne, elle n'a rien à foutre, elle est dans un lieu public. Quand elle est dans la rue, elle tue 5 gars en pleine rue, elle n'a rien à secouer devant les enfants. Les gens n'ont globalement pas de réaction surtout quoi. Non, c'est vrai que ça c'est un peu. Et dans la gare, il y a des gens qui continuent à marcher. Alors que ça canarde de partout et qu'ils se font tuer. Hein. Merde, mais je vais rater mon train avec toutes ces histoires. Encore, ça canarde encore, oh non. Oh putain, il y a déjà ça hier. Et donc là, bon, pour aller rapidement, ils sortent de la gare par la fenêtre. Le vieux, il les catch en voiture. Non, attends. Ouais. J'ai juste envie de dire que c'est a priori la première fois qu'elle va dans cette gare et elle arrive à s'échapper. Il saute du troisième étage et elle sait, sait pas comment, mais qu'il y a un lac gelé. Ouais, donc elle tire. Je pense que là, c'est vraiment l'illustration de son instinct qui revient. Et là, c'est une tueuse. Je pense que c'est ça qui t'a gâché le film, Barbara. C'est bien fait. C'est que tu prends pas en compte le fait que c'est une tueuse. Alors, je pense que là, si j'avais pas compris ça, j'aurais été un peu mal. Ouais, alors moi j'ai bien analysé la scène. Donc en fait, elle saute, voilà, pour redire, elle saute du troisième étage avec Samuel Jackson. Et en fait, elle tire avec sa mitraillette sur le lac pour en cercle. Pour que la glace craque en fait. Une demi-seconde de saut. Moi j'ai regardé le ralenti en fait. Elle ne fait pas que briser la glace, elle finit un Rubik's Cube. Elle fait ça très vite. Hein, on va revenir parce qu'il y a aussi un autre moment dans le film où ils ont le temps de faire beaucoup de choses en peu de temps. Donc là, ils retrouvent le mentor hein, qui va leur expliquer rapidement, voilà, t'es Charlie l'espionne, t'es une tueuse. Donc elle refuse de l'entendre pour l'instant. Elle n'a pas switché. Il y a un moment où elle va vraiment switcher et devenir vénère, c'est pas tout de suite. Et là, Samuel L. Jackson va changer de tenue. Je sais pas si il est habillé en golfeur. Ah, oui, golfeur irlandais. Voilà. C'était la Saint-Patrick. En général, quand je manque de me faire tuer, bah, je mets ma petite casquette à poils vertes. Mais c'est surtout comment ça se fait que le vieux, il avait ça dans son coffre. Mais il a même des fringues de nana. Il a tout prévu, quoi. Il a des fringues de nana, il a une petite tenue de golf. Après, il y a une scène qui est très longue et j'aimerais qu'on avance parce qu'il se passe pas grand chose où elle va reprendre contact avec ce qu'elle croit être son mari. En fait, elle croit que c'est son ancien mari, copain. Ouais. Donc déjà, le mec, Parce qu'on apprend en fait très vite que finalement c'était sa cible, c'était pas ouais, c'est ça. Essayer de la tuer. C'est potentiellement aussi un tueur. Mais le mec élève des chevaux dans l'Ohio, je sais pas. Mais oui, c'est le mec des Brockbacks. Le mec est encore là après des années. Ouais, oui. C'est un éleveur de cheval dans l'Ohio, mais c'était une cible il y a 10 ans. Voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, il s'isole pour discuter. Samuel Lee Jackson les laisse un peu tranquilles, pensant que c'est dans des anciens amants. Mmh. Le vieux vient auprès de Samuel Lee Jackson et lui dit. C'est une cible. Et en fait, il se retourne, il les regarde, ils sont en train de donner à manger aux chevaux. C'est limite s'ils sont pas déjà attablés au restaurant. Et là, d'un seul coup, alors que d'un seul coup, 88 gars, 19 voitures, 3 hélicoptères. Mais vraiment, et ça, ils arrivent, d'un seul coup. Ouais. Et il ne la tue pas, il la capture. Ouais, ouais. Oui. Mais d'ailleurs, le gars, quand Luc, c'est Luc, hein, je crois qu'il s'appelle, Luc, il la tue pas non plus. Il attend que Samuel et le vieux arrivent en criant parce qu'ils auraient pu faire ça discrètement, genre, attends, on va y retourner, on va les voir. Mais non, il fait, ah, Charlie, attention, c'était une cible. Pour lui laisser aucune chance, tu vois, de pouvoir réagir et de pouvoir agir. Il y a 4 pick-up qui débarquent avec un hélico. Et donc ça, ça arrive sur la scène de la torture du Moyen-Âge. C'est ça. Franchement, à mon avis, ça c'est le producteur, il fait « Ah, j'ai vu ça dans un bouquin de mon fils, on pourrait le mettre dans le film, tu penses ?» Bon, c'est une clé parce que c'est à partir de ce moment qu'elle switch du coup et qu'elle a... Et là, elle va switcher. C'est là que tous ses souvenirs reviennent, exactement. Elle va switcher vénère. Ouais. Elle va switcher vénère. Est-ce que, je me rappelle plus, est-ce qu'il y a justement, comme d'habitude dans les films, justement le moment où on prend confiance, avec de la musique, une petite musique entraînante. Ah ben oui, c'est là qu'il y a Santana. Ou là, elle va se faire les cheveux. Justement, il y a une ellipse, après, une ellipse de dingue. Parce que après la scène de torture, il y a un montage où t'entends voilà, la petite Samba, elle se maquille, elle referme la glace de l'hôtel, et ça y est, elle est Charlie. Donc cheveux blonds plaqués. Alors c'est pas très bon goût d'ailleurs. Brune, hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Ouais. C'est pas terrible. D'ailleurs, j'ai un problème sur cette actrice. En fait, j'ai du mal à dire si elle est belle ou pas. En fait, ouais, je crois pas. Bah, je la trouve pas mal en rousse, quoi, mais en blonde. Moi, je la préfère en blonde. Ah non. Je sais pas. Elle a vraiment un côté boulard. On peut voter. On peut voter. Moi, je vote rousse. Et là, d'un seul coup, elle a switché et il y a pas de transition. Là, franchement, on s'emmerde pas avec les transitions dans ce film. Non. Vas-y, Barbara. Et moi, j'aimerais bien savoir à quel moment, donc ils ont plus de voiture, ils ont plus rien, puis ils arrivent dans un appart de porc, tu sais pas trop où. Ah, j'ai cru qu'ils étaient à l'hôtel, moi. Non, il est de mauvais goût, l'appart aussi. C'est un bordel, appart de mauvais goût des années 80, mais c'est un truc de porc, elle a tout son maquillage. Il y a 36 armes sur la table. Il y a 36 trucs, alors qu'en principe, elle n'a rien du tout. Ouais, elle n'a plus rien. Oh, c'est accessoire. C'est américain, quoi. Ouais, voilà, qui dit tueuse dit instinct animal, elle veut baiser, quoi. Oui. Tu vois, elle est chaude, quand même, Gina, là. Ah ouais, ouais. Moi, Samuel Lee Jackson, visiblement, hein, parce qu'il la repousse en lui disant « Va appeler ta fille, plutôt. » Ce à quoi elle répond, d'ailleurs, « Je l'ai pas choisi. » En fait, elle retrouve pas sa mémoire, elle s'est transformée en connasse, finalement. Une conne, quoi. Il y a, à ce moment-là du film... qui est le méchant, on ne sait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai pas du tout compris qui est ce mec, pourquoi il veut la tuer. C'est pas clair, mais pas clair du même tout. Même à la fin, t'as pas compris? Bah après on comprend, mais on comprend hyper tard. Oui. Mais surtout, il y a plein de scènes où on le voit. C'est à la limite... Le brun. Le ouais. Bon mec. Moi, à ce moment-là, je comprends pas. Il y a le mec du gouvernement qui veut le tuer, mais il est en relation avec lui, mais on voulait le tuer il y a 10 ans. Parce qu'à un moment, il y a une scène où l'autre lui dit... Mais après, c'est expliqué, mais à ce moment-là, moi, je comprenais pas. Ah ouais, bah ouais, bah... Je pense que c'est un peu exprès aussi, là. Bah, je trouve ça gênant. Antoine, ou... voyons. Bon. C'est un film. Bon, on s'arrête, c'est bon. À chaque fois, on va faire la blague. C'est du cinéma. Tu tâcheras d'être plus attentif. Donc maintenant, nouvel objectif, parce que sinon, on reste à l'hôtel baiser, quoi. Il faut absolument qu'elle retrouve cette petite clé qu'elle avait autour du poignet, qu'elle a donnée à sa fille. Donc, il faut qu'elle retourne chez elle. Oui. Voilà. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'argent dans cette petite clé. Donc elle ouvre un coffre. Oui. Donc il faut absolument. Non, c'est important d'être précis. Donc elle rentre chez elle. Il y a un truc qui m'a fait rire. Vraiment, ça m'a fait rire quand elle retrouve. Elle passe devant le petit gros qui est en train de fumer une clope. Ouais. Oui. Et elle lui ah, dit. Tu vois, ça t'a plu. T'avais l'air. Non, c'est peut-être la seule scène qui m'a fait marrer. Vraiment. Si il y a quelqu'un que tu m'as vu, je te défonce. Et il pisse dans son froc. Et ça, c'est vraiment le détail en plus américain qui m'a fait rire. Bah, quand on a un continent comme moi, ça fait moins rire, mais après... Donc, moment d'émotion, elle voit sa fille qui non, est non, attends. Je voudrais juste revenir sur un détail, c'est-à-dire qu'elle... Là, en fait, c'est un petit peu le moment, elle va juste chercher une clé dans la chambre de sa fille. C'est un moment où elle pourrait être un peu plus détendue. Mais non, elle se fait traquer. Oui, elle se fait traquer. Bon, bref, elle retourne chez elle. elle éprouve quand même le besoin, au lieu de garer la voiture de Gisèle, de sauter en marche et d'aller chercher la clé armée jusqu'aux dents. C'est vrai. Oui. Bah, c'est plus discret en général quand tu sautes en marche avec une roulade et ton pistolet. Elle démolit la chambre de sa fille. Vraiment, ouais, quoi, elle arrache tous les tiroirs. C'est vrai qu'elle est ta dame. Ouais, non, mais elle a plus son instinct de mère, elle a son instinct de tueuse. Oui. Ah là, oui, ça c'est sûr. Là, t'es quand même au courant que sa fille, elle l'a pas choisie. Hein. Ouais. Ouais. Mmh. Et donc, elle regarde sa fille dans la lunette du fusil. Sniper. Voilà. Sa fille, elle est où? Une chorale de Noël, comme Jacques Cossin. Moi, j'ai cru à ce moment-là qu'elle allait la tuer. Oh. Ouh là là. Mais c'est vrai que c'est quand même suspect de regarder sa fille à travers la lunette. Tu regardes quoi comme stream, Barbara? Et après, il y a pour moi la meilleure scène du film. Les méchants arrivent en bagnole. Samuel Jackson est pris en chasse. Ouais. Et là, elle va devoir poursuivre les voitures. Comment? En patin à glace. Bien sûr. Parce que, non, mais il faut préciser que les tueurs enlèvent sa fille, en fait, qu'à la chorale. C'est après qu'il l'enlève. Ah, c'est après. Non, c'est après. Ah, merde. Je pense, d'accord. Et là, donc, elle va suivre des bagnoles en patin à glace, quoi. Ouais. Et en deux balles, elle explose une bagnole. Ouais, bah ouais. Elle tue les deux mecs. Ouais. J'ai une anecdote de tournage que je suis allé chercher. Ils l'ont refaite deux fois. Non, en fait, à la base, la scène où elle tirait sur les bagnoles, elle faisait un double axel en même temps. c'est vrai, ce que je dis est vrai. Et ils ont retiré la scène parce que les producteurs ont jugé que c'était pas crédible. Je cite Wikipédia. Dans un buisson, ça serait crédible. Hein, ensuite, kidnapping de sa fille dans une église au milieu de tout le monde. Oui, personne ne voit rien. Personne ne voit rien. Si, c'est quoi la réplique en français? Parce qu'en anglais, j'ai pas du tout compris. Ah, je sais plus, si tu parles, je te bute. Enfin, le truc parce qu'en France, en VO, il lui dit, si tu parles, t'auras 2,4 enfants. Ah oui. C'est vrai. Parce qu'il voulait le découper. Non, ouais, genre, voilà. En français, c'est si tu dis quoi que ce soit, je découpe tes enfants en rondelles. Ah oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi il y a 2,4. Peut-être le nombre d'or. Ceci dit, il a une bonne technique avec le petit masque oxygène pour le. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais. Tu fais du pro, quoi. Tu prévois de kidnapper quelqu'un, quoi. Bah non, mais en tout cas, maintenant j'ai l'idée, quoi. De quoi? J'ai pas compris. Parce qu'en fait, il lui envoie du gaz à travers un masque pour qu'elle s'endorme. Ouais, oui, c'était. Ça, c'est. J'avais pas capté. Pour moi, ça, c'est très Tintin avec le chloroforme. C'est vrai. C'est vrai. Elle est où sa bouteille d'oxygène derrière sa bouteille de plomb? Ah non, mais je sais pas. Il souffle dedans. Peut-être qu'il a mauvais. C'est un petit tube dans la poche. Ensuite, énorme ellipse du film, et on arrive dans un gros hôtel aux chutes du Niagara. Oui. Ah oui, bah alors ça, j'ai pas compris non plus, hein, excusez-moi. Comment, en un quart d'heure, on se retrouve de l'État de New York aux chutes du Niagara, en fait. Enfin, je connais pas trop. Et moi, à un moment, j'ai eu envie de vérifier à quelle distance c'était tout ça. Ouais. J'ai eu la flemme. Je crois que c'est pas très loin. C'est pas très loin. Mais en même temps, j'en sais rien. Il y a quand même la scène où elle trouve le numéro pour arriver aux chutes du Niagara. Le numéro? Oui, ouais, l'espèce de prise d'otage dans le truc de téléphone. Dans un centre d'appel. Il fallait qu'on avance, je vais pas parler de ça. Mais, Moi, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils arrivent, haut les mains, machin, et là, elle dit à la meuf, tu vas me trouver ce numéro. Et la meuf commence à travailler, on lui a rien dit d'autre. Elle sait pas quel numéro elle doit trouver et tout. Tu vas trouver ce numéro. Ils sont hyper autonomes, hein, télécom. Oui. Télécom Niagara. Et donc, on arrive dans l'hôtel, grosse attaque. Et en fait, c'est un piège. C'est pareil, comment ils savaient qu'ils allaient les retrouver. Je me rappelle plus, c'est quoi ils savaient que c'est... Plus trop. Mais si, c'est l'hôtel à la fin. C'est la fille qui est kidnappée, il fait nuit, et elle fait « Ok, je vais chercher ma fille ». Et au bout de deux secondes, on se rend compte que c'est un piège, et le méchant hurle « Ne la tuez pas, je la veux vivante oui. ». Et là, il y a 200 mecs qui déballent et qui tirent avec des mitrailleuses. Ah, c'est quand elle récupère sa fille. Ah oui, d'accord, mais c'est là. Okay. Bah, je pense que c'est la... Franchement, vous risquez de la tuer, quoi. Ouais, c'est le moment où j'ai commencé à zapper un peu, enfin à m'endormir un peu parce que je savais ce qui allait se passer et avoir une grosse scène de carton et tout. Ouais. Tu sens le truc monter, petite prémonition, 20 minutes. Après petite prémonition en septembre, je suis obligé d'en parler. Ah oui, c'est un truc. Ah, mais alors, c'est incroyable. C'est ça. Bah, on l'a tous remarqué. Hein, ouais, c'est vrai que c'était incroyable. On est c'était en 96. Hein. Ouais, c'est 96, ça. Ah, parce qu'il dit en 93. Le World Trade Center a explosé. Oui, mais parce qu'il y a eu un attentat en 93 sur le World Trade Center. Ouais, il y a eu un... Donc là, c'est le problème, c'est quelque chose de très intelligent pour ce film. Moi, j'ai trouvé ça bien. Bah oui, parce qu'il dit, en fait, il travaille pour la CIA. Non, c'est même pas la CIA. Il travaille pour une organisation. Et il veut, en fait, orchestrer un attentat pour avoir des subventions, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est voilà. Que le fric, en fait. Et il dit, de toute façon, on fera porter le chapeau aux musulmans. Ouais. Donc ensuite, la meilleure façon de les tuer, c'est de leur expliquer toute l'histoire et de la mettre, elle et sa fille, dans une chambre froide. Comme d'hab. Comme d'habitude. Samuel Jackson, il est à l'étage en train de se faire torturer. On ne sait pas pourquoi ils l'ont pas tué. Comment elle s'échappe de la chambre froide, Michael? Petit test. C'est-à-dire que même dans les meilleurs épisodes de MacGyver, il y a pas un truc comme ça. C'est ça, c'est tellement du MacGyver. Mais les chutes du Niagara, moi je trouve qu'il y a eu une grosse... Tu as l'impression d'être dans un James Bond. Ah mais ils ont et au moment de la chambre froide, ouais. T'es complètement en mode MacGyver parce qu'elle a récupéré l'essence de la scène d'avant dans le baigneur de sa fille. Comment elle va allumer le truc d'essence, c'est pas mal. Oh c'est nul. Parce qu'elle sort les allumettes sous le plâtre de sa fille. Je pense que l'endroit le plus moisi sur Terre, ouais, c'est sympa. Pour moi, des allumettes qui s'allument, c'est pas possible. C'est clair. Et là donc elle fait tout péter quoi, grosso modo. Alors tout pète. Alors, Samuel Jackson qui est à l'étage, vas-y raconte. Samuel Jackson qui est à l'étage, du coup est pris dans l'explosion et il est éjecté depuis sa chaise de torture. À 300 mètres plus loin, en fait, il est éjecté par la fenêtre. Dans un petit talus de neige. Non, mais c'est-à-dire, précisément à ce moment-là, on n'est même plus dans un film américain, on est dans Bibi Pelcoyote. Non, mais franchement, on n'est pas sur Terre. Parce qu'il part à la perpendiculaire, il n'y a pas de gravité. Ah non, c'est dingue. Puis surtout, le choc lui fait pas grand-chose, quoi. Mais c'est vrai que dans ce film, il court beaucoup devant les explosions. Ouais, hein. Franchement, il y a beaucoup d'explosions. Ensuite là il se sépare, elle et sa fille, tu sais pas comment, elle se sépare, elle va se cacher, trouve une cachette, la fille se cache dans le camion d'explosifs. Qui doit servir à l'attentat, pas de bol. et du coup là voilà, le camion va partir. Bah, voilà. Il y a une réplique que j'ai notée qui m'a fait beaucoup rire, c'est quand elle prend possession du camion. Attends, la fille ou la mère. Ouais. Attends, c'est plus tard qu'elle va, parce que là il faut d'abord que le camion s'enfuit. Parce que ça c'est au moment de la parade de Noël. Mais vas-y, on en a ce moment-là. Je ne te coupe pour aucune raison. Et t'as le mec qui se fait éjecter, le conducteur du camion qui se fait éjecter par l'héroïne, et qui dit dans son talkie-walkie à son pote, « Je suis blessé, je crois que je vais mourir !» Tu vois, et ça je trouve ça nul. J'ai trouvé ça tellement nul. Bah en VO, parce que je l'avais noté. Mais après, c'est pas mal, tu lui fais « Bah continue de mourir !» Oui, bah, ça c'était drôle. C'était drôle, quoi. Et d'ailleurs, le camion arrive en plein milieu d'une parade de Noël. Encore. C'est Noël tous les jours dans ce film. Mais surtout que c'est dans un bled, ils devaient pas... Ils sont vraiment... Cette parade, elle est dans un bled, le camion... Ils devaient le foutre dans une grande ville, non ? Genre New York, ouais. C'est vraiment au bled. Et les gens n'ont aucune réaction. Genre, oh, un camion qui arrive à... Il roule vite, ce camion, non ? Il va freiner. Ensuite, donc elle prend possession du camion, et donc elle conduit le camion, sa fille est à l'intérieur du camion. Alors en fait, elle est dans une espèce de petite cage en grillage. Ouais, quoi. À l'extérieur, le camion, il faut préciser, le camion c'est un... Vraiment, c'est pas un semi-remorque, c'est un remorque. Hein. C'est vraiment un truc américain qui est énorme. Il est très beau ce camion d'ailleurs, il est très beau. Hein, Et en fait, à un moment, elle est au volant. Et il y a sa fille qui est cachée sous les roues et elle fait « Ouais, j'en ai rien à foutre !» et elle provoque un accident avec son camion alors que sa fille est dedans. Mais si. Mais non, elle pète la pédale d'abord. Oui. Ah oui, en fait, elle a plus de frein. Elle a plus de frein, exactement. Ouais, mais à un moment, elle va rentrer dans une barricade, elle fait « Ouais, allez, balayez !» Mais elle a pas le choix, elle a pas le choix. Elle est perdue pour perdue. Mais non, c'est soit elle rentre dans la barricade, soit elle rentre dans la parade de Noël. Il y a sa fille dedans, quoi. En fait, le camion se renverse. Tout de suite, elle va récupérer sa fille et sa fille lui dit à ce moment-là, maman j'ai eu mal, je me suis cogné. Oui. Ouais, tu m'étonnes, ouais, t'as fait trois loopings dans le camion. Alors que au début du film, elle tombe vite fait, mais tout doucement sur le truc, et là elle se casse le poignet. Mais là, il se passe rien. Je me suis cogné la tête, maman. Donc là, le camion est en feu, elle est blessée, elle est semi-morte, c'est sa fille qui la ranime, hein, Life is Pain encore. Mm. Et là, le méchant arrive en hélicoptère. Après avoir survécu à sa chute dans les chutes du Niagara, il quand même. Il meurt une première fois. Il revient après les chutes du Niagara. Il revient en plus hyper facile avec un toki. Ouais, bah je suis là, vous venez me chercher. Et là, il est dans l'hélicoptère. Il la vise avec un bon fusil, quoi. Elle a pas d'arme. C'est pas un lance-pierre. Et là, elle va s'accrocher à une guirlande de Noël avec un mec qui flambe au-dessus, qui avait une arme dans la main. Ouais. Oui. Et elle va tirer un phénomène de poulie. Et oui. Elle va monter dans les airs, le cadavre va descendre et elle va récupérer son arme, probablement brûlante, puisque le mec est en feu. Et elle va deux balles dans la tête du gars sur l'hélicoptère et l'hélicoptère explose. Pillé, c'est vraiment vite pillé, tout explose. Ouais. Ouais, bah oui. Donc au final, l'arme chimique a quand même explosé. C'est une arme chimique. Non, elle a jamais explosé. Hein. C'est quand même les 25 minutes les plus longues de l'histoire des 25 minutes. Ah non, c'est fou parce qu'au début, t'as le compteur. Et il se passe 7 minutes en 2 minutes. Et après, c'est vachement plus long. Parce que moi, j'ai noté que... Je me souviens que quand avant que Samuel Lee Jackson fasse une perpendiculaire avec sa chaise, le mec dit dans 25 minutes tout va péter. Il est au fond et il s'est passé au moins 4 heures. Quoi. C'est vrai. 4 heures ressenties pour toi. Et donc la bombe explose et ensuite, sans aucune transition, la happy end. Ouais. Décapotable, Thelma et Louise. Ouais. Parce que c'est l'actrice de Thelma et Louise en fait. Donc c'est vraiment un hommage à l'autre. Parce que moi je me souviens d'elle dans La Mouche. Ouais, c'est vrai. Elle a le président au téléphone. Ah oui. Elle est dans la décapotable et il y a le président qui lui fait bah écoute, merci beaucoup Gina. Hein. Merci beaucoup Charlie. Attends, tu dis happy end, mais moi, enfin oui, il y a le happy end avec son mec. Et moi ce que je. Enfin, il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai pas relevé d'ailleurs, c'est justement le détective, il se retrouve à la télé, et en face de lui, il y a un gars c'est qui Larry était King. Un méchant. Non, mais non. C'est, j'aurais compris. C'est Larry King, c'était un mec qui présentait... Je te parle pas du présentateur, ils ont mais c'est Samuel L. Jackson qui est... C'est Samuel L. Jackson, il est en face de Larry King. Oui, mais après, en duplex, il y a quelqu'un d'autre. Ah, bah c'est le mec, le patron de la CIA, enfin pas de la CIA, mais... Oui, celui qui était pourri avant, non ? Ah, j'ai pas capté. Pourquoi il parle... Il avait des lunettes. Bon. Et bien après, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Elle finit dans un ranch, heureuse, et il y aura beaucoup d'enfants. Alors, j'ai deux anecdotes sur le film, que je suis allé chercher, qui sont assez cool. À la base, le rôle de Charlie devait être un rôle masculin. Interprété par Steven Seagal. Oh là là, c'est vrai. On avait fait quelque chose. Et dans la première version du film, Samuel L. Jackson meurt à la fin. Ça sent en fait qu'elle a, tu sais, il sacrifie pour elle. Et il apparaît juste dans un vieux plan avec Larry King. Ouais, en fait, dans la première projection test qu'ils ont fait, il y a un mec dans la salle qui avait hurlé "You can't kill Jackson." Et du coup, ils l'ont pas enlevé. Ça, c'est du vrai. Donc on le conseille. Ils avaient tourné tout le film. Ils avaient tourné. Ils ont juste rajouté la scène, on voit encore en vie, c'est tout. Ou quand il revient de nulle part alors qu'il a une balle dans la cheville, une balle dans les côtes, et il revient conduire une voiture. Et à un moment, une voiture qui va s'encastrer, quoi. Oui. Enfin, tu vois, et après, il dit « Désolé, j'arrête de conduire, j'ai mal. Ah bon ?» Donc personne se plaint de la mort de Earl, mais en tout cas, Jackson. Pauvre Earl. Donc on conseille ce film ou pas? Ouais, allez. Non. Moi franchement je pense que si t'as 14 ans et que t'es né en 88, tu peux le regarder. Ouais. Mais encore moins. Mais non, mais c'est un film où tu t'attends à rien, enfin tu t'attends à ça. Voilà. Moi c'était pas affreux quoi. Barbara, tu le conseilles pas? Ah non. Moi j'ai bien aimé en fait. Moi je vous dis, mes gosses, clairement je pourrais leur mettre ça quoi. Franchement ça c'est divertissant. Oui, c'est divertissant. Donc ça c'est notre avis sur le film, ce n'est pas celui de tout le monde. Oh. Je n'ai que faire de votre opinion, n'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les tours de cul, tout le monde en a un. Donc, sur Allociné, je suis allé chercher des commentaires 5 étoiles, donc des personnes qui ont adoré ce film. Notamment Alex Jazz Killer, tout attaché. Je pense que tu choisis les commentaires pas aux étoiles, pas au besoin, nom quoi. Des gens. Tout simplement excellent. Les cascades sont nombreuses et les fusillades sont époustouflantes. En prime, une Gina Davis qui ne meurt jamais. Bon, bah, c'est plutôt objectif. Au moins, le mec, il meurt pas, quoi. 5 étoiles. Michael Myers, un film ultra spectaculaire. De l'action non-stop. Un chef-d'œuvre, ce film. Ça bouge du début à la fin. Scénario crédible. Le jeu de Gina Davis est excellent. Tout comme celui de Samuel L. Jackson. Un film à voir. Ok. 5 étoiles. DJ Sain. Apparemment, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce que veut dire film d'action. Ce n'est pas une biographie ou un film de science-fiction. Okay. Ah, c'est son commentaire, s'arrête là. D'accord. Il a des arguments. Et le là, dernier... c'est tout 5 étoiles. Hein. Ouais, c'est que du 5 étoiles. Ah, oui, c'est que du 5 étoiles. Et le dernier, qui n'est pas spécialement drôle, mais j'ai vraiment trouvé le mec à fond. Ça m'a fait rire. Rico 25. Le film que j'ai le plus vu. J'ai compté une bonne cinquantaine de fois. C'est vrai. Pourtant, ce n'est habituellement pas mon style favori. Alors c'est plutôt Bergman, Godard. Les cascades, les pampans, les roulades. Les pampans. Mais ce film possède un je ne sais quoi que les autres n'ont pas. Sûrement aussi grâce au duo merveilleux que forme Jackson Davis. Ou quand un des meilleurs acteurs américains croise une magnifique et talentueuse actrice. Cela m'a donné envie de le revoir. J'y cours, à plus. 5 étoiles. 51e fois. Ah mais il est monomaniaque. Merci, en fait. Rico. Bah voilà, j'espère qu'on vous a bien donné envie de le voir. Surtout moi. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.